Si je pense dans les jardins du philosophe Hermocrate. Madame, mais comment faites-vous que tu sois entrée si hâtivement ici? Nous qui n'y connaissons personne. Mais non, tout est ouvert. Ah, et d'ailleurs, nous venons pour parler au maître de la maison. Il y a longtemps que je n'ai respiré ici à mon aise. Mais princesse, faites-moi la grâce tout entière. Si vous voulez me donner un régal bien complet, laissez-moi le plaisir de vous interroger moi-même à ma fantaisie, comme tu voudras. D'abord, vous quittez votre cour et la ville, et vous venez ici avec peu de suite dans une de vos maisons de campagne où vous voulez que je vous suive. Et comme vous savez que par amusement j'ai appris à peindre à peine ça mis 4 ou 5 jours, que vous enfermant un matin avec moi, vous me montrez deux portraits dont vous me demandez des copies en petit, et dont l'un celui d'un homme et l'autre celui d'une femme, tous deux. T'as ces bonnes mines. Ouais. Laissez-moi dire. Quand ces copies sont finies, vous faites courir le bruit que vous étiez indisposé, que l'on ne vous voit pas. Ensuite, vous m'habillez en homme, vous en prenez l'attirail vous-même. Et puis, nous sortons incognito, toutes deux, dans cet équipage-là. Vous avec le nom de Faucion, moi, avec celui d'Hermidas que vous me donnez. Et après un quart d'heure de chemin, nous voilà dans les jardins du philosophe Hermocrate, avec la philosophie de qui je ne crois pas que vous ayez rien à démêler. Oh, plus que tu me penses. Or, que veut dire cette feinte indisposition? Ces portraits copiés, qu'est-ce que c'est que cet homme et cette femme qui représentent, que signifie la mascarade où nous sommes? Et que nous importe, les jardins d'Hermocrate, que voulez-vous faire de lui? Que voulez-vous faire de moi? Où allons-nous? Que deviendrons-nous? À quoi tout cela aboutira-t-il? Je ne saurais le savoir trop tôt, car je m'en meurs. Écoute-moi avec attention. Tu sais par quelle aventure je règne en ces lieux. J'occupe une place qu'autrefois Léonidas, frère de mon père, usurpa sur Cléomène, son souverain. Parce que ce prince dont il commandait les armées devint pendant son absence amoureux de sa maîtresse et l'enleva. Léonidas, outré de douleur et chéri des soldats, vint comme un furieux attaquer Cléomène, le prit avec la princesse, son épouse, et les enferma tous les deux. Au bout de quelques années, Cléomène mourut. Aussi bien que la princesse, son épouse, qui ne lui survécut que 6 mois, et qui en mourant mit au monde un prince, qui disparut, qu'on eut l'adresse de soustraire à Léonidas, qui n'en découvrit jamais la moindre trace, et qui mourut enfin sans enfant, regretté du peuple qui l'avait bien gouverné, et qui lui vit tranquillement succéder son frère, à qui je dois la naissance et au rang de qui j'ai succédé, moi-même. Ouais. Mais tout cela ne dit encore rien de notre déguisement, ni du portrait dont j'ai fait la copie, et voilà ce que je veux savoir. Mais doucement, ce prince, qui reçut la vie dans la prison de sa mère, qu'une main inconnue enleva dès qu'il fut né, dont Léonidas ni mon père n'ont jamais entendu parler. J'en ai des nouvelles, moi. Le ciel en soit loué, vous l'aurez donc bientôt en votre pouvoir. Ah, point du tout, c'est moi qui vais me remettre au sien. Vous, madame? Ah, vous n'offrez rien, je vous jure, je ne souffrirai jamais. Comment donc? Laisse-moi achever, ce prince est depuis 10 ans chez le sage Hermocrate, qui l'a élevé. N'importe! Il faut s'en assurer, madame! Mais ce n'est pourtant pas là le parti que j'ai pris. J'ai d'abord voulu voir Agis. C'est le nom du prince. Mmh. J'appris qu'Hermocrate et lui se promenaient tous les jours dans la forêt qui est à côté de mon château. Je suis venue ici J'ai vu Agis. Alors jusqu'ici, j'avais bien entendu parler de l'amour, mais je n'en connaissais que le nom. Oh, figure-toi, Corinne. Un assemblage de tout ce que les grâces ont de noble et d'aimable. À peine t'imagineras-tu les charmes et de la figure et de la physionomie d'Agis. Ce que je commence à imaginer de plus clair, c'est que ces charmes-là pourraient bien avoir mis les nôtres en campagne. J'ai oublié de te dire que lorsque je me retirais, Hermocrate parut. Il s'arrêta pour me prier de lui dire si la princesse ne se promenait pas dans la forêt, ce qui me marqua qu'il ne me connaissait point. Je lui répondis assez déconcertée. On disait qu'elle y était, et je m'en retournais au château. Voilà, certes, une aventure bien singulière. Une partie que j'ai pris l'est encore davantage. J'ai faim d'être indisposée et de ne voir personne que pour être libre de venir ici. Je vais sous le nom du jeune Phocion, qui voyage me présenter à Hermocrate comme attiré par l'estime de sa sagesse. Je le prierai de me laisser passer quelque temps avec lui pour profiter de ses leçons et je tâcherai d'entretenir Agis et de disposer son cœur à mes fins. Ouais. Mais madame, si sous votre habit d'homme, Hermocrate allait reconnaître cette dame à qui il a parlé dans la forêt, vous jugez bien qu'il ne vous gardera pas chez lui. Je pourvu à tout, Corinne. Et s'il me reconnaît, tant pis pour lui. J'ai besoin de 2 ou 3 entretiens avec Agis. Tout ce que je fais est pour les avoir. N'en demande pas davantage, mais il me les faut. Et si je ne puis les obtenir qu'au dépens du philosophe, je n'y saurais que faire. Et cette sœur, qui est avec lui et dont apparemment l'humeur doit être austère, consentira-t-elle au séjour d'un étranger aussi jeune et de si bonne mine que vous? Tant pis pour elle aussi, si elle me fait obstacle, je ne les ferai pas plus de quartier qu'à son frère. Il faudra que vous les trompiez tous deux, car j'entends ce que vous voulez dire. Cet artifice-là... ne l'échappe-t-il pas? Il me vengera d'Hermocrate et de sa sœur qui mérite que je les punisse. Qui depuis qu'Agis est avec eux n'ont travaillé qu'à lui inspirer de l'aversion pour moi, qu'à me peindre sous les traits les plus odieux. Et le tout sans me connaître. Sans savoir le fond de mon âme, ni tout ce que le ciel a pu y verser de vertueux. C'est eux qui m'ont soulevé tous les ennemis qu'il m'a fallu combattre. Et qui m'en soulèvent encore de nouveau. Mais d'où vient tout le mal qu'ils m'ont fait, hein? Est-ce parce que j'occupe un trône usurpé? Mais ce n'est pas moi qui en suis l'usurpatrice, d'ailleurs. À qui l'aurais-je rendu? Je n'en connaissais pas l'héritier légitime. Il n'a jamais paru, on croit mort. Quel tort n'ont-ils donc pas? Non, Corinne, je n'ai point de scrupule à me faire. Bon. Surtout, conserve bien la copie des 2 portraits que tu as faits. Qui sont d'Hermocrate et de sa sœur. Et à ton égard, conforme-toi à tout ce qui m'arrive. Et j'aurai soin de t'instruire à mesure tout ce qu'il faudra que tu saches. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Il y aura bien de l'ouvrage à tout ceci, madame, et votre sexe... Oh, non, non. Madame, et puis votre sexe. Eh bien, parlez donc, vous autres hommes. Vous êtes donc des femmes. Juste ciel, je suis au désespoir. Oh, mon petit mignon, avant que vous en allez, il faudra bien, s'il vous plaît, que nous comptions ensemble. Je vous ai d'abord pris pour 2 fripons, mais je vous fais réparation. Vous êtes 2 friponnes. Tout est perdu, Corinne. Non, madame, laissez-moi faire, elle ne craignait rien. Oh, tenez, la physionomie de ce garçon-là ne m'aura point trompée. Assurément, il est traitable. Et par-dessus marché, un honnête homme qui n'a jamais laissé passer de contrebande. Ainsi, vous êtes une marchandise que j'arrête. Je vais faire fermer les portes. Ah, je t'en empêcherai bien, moi, car tu serais le premier à te repentir du tort que tu nous ferais. Prouvez-moi mon repentir, et je vous lâche. Tiens, mon ami, voilà déjà un commencement de preuve. Ah, ne serais-tu pas fâché d'avoir perdu cela? Oui, non, il y a toute apparence, car je suis bien aise de l'avoir. As-tu encore envie de faire du bruit? Je n'ai encore qu'un commencement d'envie de n'en plus faire. Ah, oh, non, non, ouais. Ah, je vais te déterminer, madame. Par ceci. Es-tu content? Eh bien, voilà l'abrégé de ma mauvaise humeur. De quoi s'agit-il, mes libérales dames? Oh, tiens, d'une bagatelle. Madame a vu Agis dans la forêt et n'a pu le voir sans lui donner son cœur. Extrêmement honnête. Or, madame, qui est riche, qui ne dépend que d'elle et qui l'épouserait volontiers, voudrait Essayez de le rendre sensible. C'est encore plus honnête. Madame ne saurait le rendre sensible qu'en liant quelques conversations avec lui, qu'en demeurant même quelque temps dans la maison où il est. Ah oui. Et cela ne se pourrait pas si elle se présentait habillée suivant son sexe, parce que Hermocrate ne le permettrait pas. Et qu'Agis lui-même la ferait. À cause de l'éducation qu'il a reçue du philosophe. Malpest ! De l'amour dans cette maison-ci ! Ce serait une mauvaise auberge pour lui. La sagesse d'Agis, d'Hermocrate et de Léontine sont trois sagesses, aussi inciviles pour l'amour qu'il y en est dans le monde. Il n'y a que la mienne qui a un petit peu de savoir-vivre. Ah oui, nous le savons. Et voilà pourquoi madame a pris le parti de se déguiser pour paraître ainsi, tu vois bien. Qu'il n'y a point de mal à tout cela. Par dire rien de si raisonnable. Madame a pris de l'amour en passant pour Agis, et bien qu'est-ce ? Chacun prend ce qu'il peut. Voilà bien de quoi. Allez, mes courageuses personnes, ayez bon courage. Je vous offre mes services. Vous avez perdu votre cœur. Faites vos diligences pour en attraper un autre. Et si on trouve le mien, je le donne. Raconte sur ma parole. Tu jouiras bientôt d'un sort qui ne te laissera envier celui de personne. N'oublie pas, dans le besoin, que madame s'appelle Faucion. Et moi, Amidas. Et surtout qu'Agis ne sache point qui nous sommes. Ne craignez rien. Seigneur Faucion. Et vous, touchez là, camarade Hermidas. Voilà comment je parle, moi. Mais quelqu'un qui arrive. Avec qui est-ce donc que vous parlez là, notre ami ? Je parle avec du monde. Et par lequel, je le vois bien. Mais qui est ce monde ? À qui en veut-il ? Au seigneur Hermocrate. Eh bien, ce n'est pas par ici qu'on entre. Nous te mettons pas en charge à ce que personne ne se promène dans le jardin. Par ici, vous n'avez qu'à vous en retourner par où vous êtes venu pour frapper à la porte du logis. Nous avons trouvé ce lieu-ci ouvert. Il est permis à des étrangers de se méprendre. Je leur paye pas cette permission-là, nous. N'entendons pas qu'on vienne comme ça sans guide garde. Ne tient-il qu'à empiler des portes ouvertes. On a l'honnêteté d'appeler un jardinier. On lui demande le parvilège. On n'a que de bonnes manières avec un homme. Puis la permission s'enfile avec la porte. Vous savez, notre ami, vous parlez d'une personne riche et d'importance. Warman, je vois bien qu'elle est riche, puisqu'elle garde tout. Et moi, je garde mon jardin. On n'a qu'à prendre par ailleurs. Allez ! Et qu'est-ce que c'est donc que ce bruit-là, jardinier ? Contre qui criez-vous ? Contre cette jeunesse-là, qui vient apparemment mugueter nos espaliers. Vous avez rien à propos, seigneur, pour me débarrasser de lui. J'ai dessein de saluer le seigneur Hermocrate et de lui parler. J'ai trouvé ce lieu-ci ouvert et il veut que j'en sorte. Allez, Dimas, vous avez tort, retirez-vous. Vous allez voir le petit. Et courez avertir Léontine qu'un étranger de considération souhaiterait parler à Hermocrate. Je vous demande pardon, seigneur, de l'accueil rustique de cet homme-là. Hermocrate lui-même vous en fera ses excuses. Et vous êtes d'une physionomie qui annonce les égards qu'on vous doit. Oh, pour ça, ils font tous deux une belle paire de visages. Il est vrai, seigneur, que ce jardinier m'a traité un peu brusquement, mais vos politesses m'en dédommagent. Et si ma physionomie dont vous parlez vous disposez à me vouloir du bien, je la croirais en effet la plus heureuse du monde. Et ce serait à mon gré un des plus grands services qu'elle pu m'en. Il ne mérite pas que vous l'estimiez tant. Mais tel qu'il est, elle vous l'a rendu, seigneur. Et quoi qu'il n'y ait qu'un instant que nous nous connaissions, je vous assure qu'on ne saurait être aussi prévenu pour quelqu'un que je le suis pour vous. Nous allons donc faire entre nous quatre joli penchant. Promenons-nous pour parler d'une autre. Mais, seigneur, puis-je vous demander pour qui mon amitié se déclare ? Oh, pour quelqu'un qui vous en jurerait volontiers une éternelle. Oh. Cela ne suffit pas. Je crains de faire un ami que je perdrai bientôt. Il ne tiendra pas à moi que nous ne nous quittions jamais, seigneur. Qu'avez-vous à exiger d'Hermocrate ? Je lui dois mon éducation. J'ose dire qu'il m'aime. Avez-vous besoin de lui ? Sa réputation m'a tiré ici. Je ne voulais, quand je suis venue, que l'engager à me souffrir quelque temps auprès de lui. Mais depuis que je vous connais, ce motif le cède à un autre encore plus pressant. C'est celui de vous voir le plus longtemps qu'il me sera possible. Et que devenez-vous après ? Ah, je n'en sais rien. Vous en déciderez, je ne consulterai que vous. Ah, je vous conseillerai de me perdre jamais de vue. Mais sur ce pied-là, nous serons donc toujours ensemble. Je le souhaite de tout mon cœur. Notre maîtresse s'avance. Voici Léontine qui arrive. Et elle a un maintien grave qui ne plaît pas du tout. Venez, madame. Voilà le damoiseau dont je vous parle. et l'autre est Tournio et de son équipage. On m'a dit, Seigneur, que vous demandiez à parler à Hermocrate, mon frère. Il n'est pas actuellement ici. Pouvez-vous, en attendant qu'il revienne, me confier ce que vous avez à lui dire ? Mais je n'ai à l'entretenir de rien de secret, madame. Il s'agit d'une grâce que j'ai à obtenir de lui. Et je compterai d'avance l'avoir obtenue, si vous vouliez bien me l'accorder vous-même. Expliquez-vous, Seigneur. Je m'appelle Faucion, madame. Mon nom peut vous être connu. Mon père, que j'ai perdu il y a plusieurs années, l'a mis en quelque réputation. Mais oui, Seigneur. Seul et ne dépendant de personne, il y a quelque temps que je voyage pour former mon cœur et mon esprit. Et pour cueillir le fruit de nos arbres. C'est nous, Dimas. Vous allez voir, je me plaignais. J'ai visité dans mes voyages tout ce que leur savoir et leur vertu distinguaient des autres hommes. Il en est même qui m'ont permis de vivre quelque temps avec eux. Et j'ai espéré que l'illustre Hermocrate ne me refuserait pas pour quelques jours l'honneur qu'ils ont bien voulu me faire. Il est vrai, Seigneur, qu'à vous voir, vous paraissez bien digne de cette hospitalité vertueuse que vous avez reçue ailleurs. Mais il ne sera pas possible à Hermocrate de s'honorer du plaisir de vous l'offrir. D'importantes raisons qu'agissez bien nous en empêche. Je voudrais pouvoir vous les dire, elles nous justifieraient auprès de vous. D'abord, j'en logerai bien un, moi, dans ma chambre. Ce ne sont point les appartements qui nous manquent. Non. Et vous savez mieux qu'un autre que cela ne se peut pas, Agis. Et que nous nous sommes fait de loi nécessaire de ne partager notre retraite avec personne. Et j'ai pourtant promis au Seigneur Faucion de vous y engager. Et ce ne sera pas violer la loi que nous nous sommes faite que d'en accepter un ami de la vertu. Je ne saurais changer de sentiment. Tête de femme. Oh, madame, serez-vous inflexible à d'aussi louables intentions que les miennes? C'est malgré moi. Hermocrate vous fléchira, madame. Je suis sûre qu'il pensera comme moi. Allons aux expédients. Eh bien, madame, je n'insisterai plus, mais oserais-je vous demander un moment d'entretien secret? Seigneur, je suis fâchée des efforts inutiles que vous allez faire, mais puisque vous le voulez pourtant, j'y consens. Daignez vous éloigner pour un instant. Puisse l'amour favoriser mon artifice. Puisque vous ne pouvez, madame, vous rendre à la prière que je vous ai faite, il n'est plus question de vous empresser. Mais peut-être m'accorderez-vous une autre grâce, c'est de vouloir bien me donner un conseil qui va décider de tout le repos de ma vie. Celui que je vous donnerai, Seigneur, c'est d'attendre Hermocrate. Il est meilleur à consulter que moi. Non, madame, dans cette occasion-ci, vous me convenez encore mieux que lui. J'ai besoin d'une raison moins austère que compatissante. J'ai besoin d'un caractère de cœur qui tempère sa sévérité d'indulgence. Et vous êtes d'un sexe chez qui ce doux mélange se trouve plus sûrement que dans le nôtre. Ainsi, madame, écoutez-moi, je vous en conjure par tout ce que vous avez de bonté. Je ne sais ce que présage un pareil discours. Mais la qualité d'étranger exige des égards. Aussi parler. Je vous écoute. Il y a quelques jours que, traversant ces lieux en voyageur, je vis près d'ici une dame qui se promenait, qui ne me vit point. Oh, il faut que je vous la peigne. Vous la reconnaîtrez peut-être et en serez mieux au fait de ce que j'ai à vous dire. Sa taille, sans être grande et pourtant majestueuse, je n'ai vu nulle part un air si noble. C'est, je crois, la seule physionomie du monde où l'on voit les grâces les plus tendres s'allier sans rien y perdre à l'air le plus imposant, le plus modeste et peut-être le plus austère. Oh, on ne saurait s'empêcher de l'aimer. Mais d'un amour timide et comme effrayé, du respect qu'elle imprime. Elle est jeune. Non, de cette jeunesse étourdie qui m'a toujours déplu, qui n'a que des agréments imparfaits, qui ne sait encore qu'amuser les yeux sans mériter d'aller au cœur. Non, elle est dans cet âge vraiment aimable, qui met les grâces dans toute leur force, où l'on jouit de tout ce que l'on est, dans cet âge où l'âme moins dissipée ajoute à la beauté des traits un rayon de la finesse qu'elle a acquise. Seigneur, je ne sais de qui vous parlez. Cette dame-là m'est inconnue et c'est sans doute un portrait trop flatteur. Dans celui que j'en garde mon cœur est mille fois au-dessus de ce que je vous peins là, madame. Je vous ai dit que je passais pour aller plus loin, mais cet objet m'arrêta. Et je ne le perdis point de vue tant qu'il me fut possible de le voir. Cette dame s'entretenait avec quelqu'un. Elle souriait de temps en temps et je démêlais dans ses gestes je ne sais quoi de doux, de généreux et d'affable, qui perçait à travers un maintien grave et modeste. De qui parle-t-il ? Elle se retira bientôt après et rentra dans une maison que je remarquais. Je demandais qui elle était. J'appris qu'elle est la sœur d'un homme célèbre et respectable. Où suis-je ? Qu'elle n'est point larguée, qu'elle vit avec ce frère, dans une retraite dont elle préfère l'innocent repos au tumulte du monde, toujours méprisé des âmes vertueuses et sublimes. Enfin, tout ce que j'en appris ne fut qu'un éloge, et ma raison même, autant que mon cœur acheva de me donner pour jamais à elle. Seigneur, dispensez-moi d'écouter le reste. Je ne sais ce que c'est que l'amour, et je vous conseillerai mal sur ce que je n'entends point. Hérace, laissez-moi finir, madame. Et que ce mot d'amour ne vous rebute point. Celui dont je vous parle ne souille point mon cœur, il l'honore. C'est l'amour que j'ai pour la vertu, qui allume celui que j'ai pour cette dame. Ce sont deux sentiments qui se confondent ensemble. Et si j'aime, si j'adore cette physionomie si aimable que je lui trouve, c'est que mon ami voit partout l'image des beautés de la sienne. Encore une fois, Seigneur, souffrez que je vous quitte. On m'attend. Il y a longtemps que nous sommes ensemble. Achève, madame. Pénétrer des mouvements dont je vous parle, je promis avec transport de l'aimer toute ma vie. Et c'était promettre de consacrer mes jours au service de la vertu même. Je résolus ensuite de parler à son frère, d'en obtenir le bonheur de passer quelque temps chez lui, sous prétexte de m'instruire. Et là, d'employer auprès d'elle tout ce que l'amour, le respect et l'hommage ont de plus soumis, de plus industrieux et de plus tendre, pour lui prouver une passion dont je remercie les dieux comme d'un présent inestimable. Quel piège et comment sortir ? Ce que j'avais résolu, je l'ai exécuté. Je me suis présentée pour parler à son frère. Il était absent. Et je n'ai trouvé qu'elle. J'ai vainement conjuré d'appuyer ma demande, qu'il a rejetée, qui m'a mis au désespoir. Ah, figurez-vous, madame, un cœur tremblant et confondu devant elle, dont elle a sans doute perçu la tendresse et la douleur qui, du moins, espérait.